بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله عز وجل هذه الدروس في بيان بعض الفرق الضالة واليوم مع فرقة جديدة وهي فرقة الأشاعرة. On continue notre série de cours sur les sectes en islam et la dernière secte qu'on avait étudiée ensemble en résumé c'était le Mu'tazila. واليوم on cite un bref aperçu sur cette secte الأشاعرة. أما أصل تسميتهم ونشأتهم فقال العلامة محمد أمان الجامي عليه رحمة الله الأشاعرة فرقة من أهل الكلام والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. Donc c'est un groupe من أهل الكلام أي qui ont délaissé le Coran et la Sunna dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de sujets, et ils se sont soi-disant basé sur la raison. وسيأتي معنا أنهم خالفوا النصوص كثيرا وهكذا ما يتعلق بالعقل حتى la raison ils l'ont خالف dans beaucoup de مسائل. أما ce groupe فنسبة إلى أبي الحسن الأشعري. C'est pour ça qu'ils sont connus sous cette appellation الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري ولد سنة 260 وتوفي سنة 324. Donc il est mort en 324 de l'Hégire رحمه الله. وأبو الحسن الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والصحابي الجليل. C'est un descendant de Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو الحسن الأشعري نشأ نشأته الأولى على طريق تسمى طريق المعتزلة. Et c'est la secte qu'on a étudiée auparavant. فأبو الحسن الأشعري فالحقيقة il a eu trois étapes dans sa vie. La première étape c'était un معتزلي. قال الشيخ رحمه الله لأن شيخه كان زوج أمه أخذ أمه وهو طفل صغير تربى عند أبي علي الجبائي من كبار المعتزلة. Sa mère elle s'est remariée avec cet homme Abu Ali al-Jubba'i min kibar al-Mu'tazila. Et Abu al-Hassan il a été influencé par son beau-père, hey, le mari de sa mère. وهذا سنمونتر أن الإنسان يتأثر بجليسه. فانظروا أن أبا الحسن الأشعري تأثر. Il a été touché. Il a été affecté par cette مجالسة, par cette fréquentation, cette cohabitation. لماذا؟ لأنه c'était son beau-père. Il vivait معهم. فأخذ عنه مذهب المعتزلة. Ça, c'est la première étape. قال رحمه الله عاش فيها أبو الحسن الأشعري نحو 40 عاما حتى أصبح إماما بعد عمي. 40 ans على هذا المذهب. Depuis qu'il était tout jeune, حتى un certain âge, et il était على هذا المذهب, حتى c'est devenu un imam. Une référence في مذهب المعتزلة. قال لكن أراد الله أنه اختلف مع عمه في بعض المسائل. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه il était pas d'accord avec son beau-père sur certains sujets, فترك مذهب المعتزلة. Il a compris أن هذا المذهب il était fondé sur le باطل. Comme on a, الحمد لله, ensemble étudié la secte des معتزلة. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله أبو الحسن الأشعري خرج من الاعتزال يبحث عن الحق وعكف عند ابن كلاب فأخذ عقيدة الكلابية. Deuxième étape. أنه أخذ هذا المعتقد الفاسد. كذلك سأني قهمه. عقيدة الكلابية. وعقيدة الكلابية فالحقيقة يا أكن ديفيرانس avec ce qu'on connaît اليوم بمذهب أو عقيدة الأشاعرة. C'est la même chose. Il a certaines choses. Enfin, ce qu'on va étudier, nous, ensemble, Al-Yawm, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce groupe. Al-Ash'a'ira, Al-Kullabiyya. Qala, wa likawnihi kana imaman mashhuran, wa likawnihi alin nasab, sumya, nusya sahib al-aqida al-kullabi, sahib al-aqida al-kullabi. فنسبت إليه العقيدة الأشعرية. في الحقيقة هذا المذهب كي غيبوندو الآن في تحريف الصفات والانحراف الإيمان والقدر إلى آخره. في الحقيقة عقيدة ابن كلاب. لكن فيك أبو الحسن الأشعري لتكوني. كذلك سان ديسندان دو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فنسبت العقيدة إليه. وإلا فأبو الحسن الأشعري إلى دلس هذا المذهب. إسرى تخوزيام إتاب. قال عاش على هذا فترة من الزمن وأخيرا لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة وذكر في مقدمته أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة يعني أحمد ابن حنبل رحمه الله. Troisième étape, et c'est la dernière partie de sa vie, rahimahullah, annahu il a délaissé madhhab al-kullabiyya et il est revenu à madhhab al-salaf. Tanbihun huna, comme qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah fi dar'u ta'arud al-naql, al-aql wal-naql, walakin khibratuhu, ay Abu al-Hasan al-Ash'ari, bil-hadith wal-sunna kanat mujmala. وخبرته بالكلام كانت مفصلة فلهذا بقي عليه بقايا من أصول المعتزلة. أي malgré qu'il soit revenu à la fin de sa vie à madhhab al-salaf, لكن il restait encore certaines choses, certaines erreurs عليه رحمة الله. Et tu comprends هذا أنت أكثر. لماذا؟ لأنه il a passé 40 ans de sa vie في madhhab al-mu'tazila. ثم une autre partie de sa vie على مذهب الكلابية. Et à la fin, لما تاب ولله الحمد تاب, il s'est repenti de beaucoup de choses et il restait certaines choses غفر الله له. قال الشيخ محمد أمان والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج أو خارج هذا البلد أي السعودية إنما هي على عقيدة الكلابية التي كان أبو الحسن بعد رجوعه من الاعتزال. Bien comprendre هذا أن المذهب qui est propagé الآن qui est connu sous le nom de الأشاعرة أو الأشعرية ففي الحقيقة c'est مذهب الكلابية. وإلا فأبو الحسن il a délaissé هذا, il est revenu à عقيدة السلف. ومعروف أن مذهب الشخص ما مات عليه, ce qui est considéré dans une personne, sa voix, sa عقيدة, son منهج, c'est ce sur quoi il meurt. وأبو الحسن مات على مذهب السلف. Dans certains points, كما تقدم, ما تبين له الأمر وإلا في الجملة فإلى على مذهب السلف. Le fait de dire aujourd'hui أن البعض يسويف مذهب الأشعري, يسويف أبو الحسن الأشعري, فالحقيقة لا يسويف با, يسويف ابن كلاب, يسويف المعتزلة في كثير من الأمور. لكن vu qu'ils sont connus sous le nom d'Al-Ash'a'ira al-An, fal-ulama, hatta quand ils parlent, ils disent Al-Ash'a'ira, wa illa sidiri al-Kullabiyya. Fa kathiru min al-Nas, ils ne se sentiraient pas concernés. Ils diraient, nous, on n'est pas des Kullabiyya, on est des Ash'a'ira. Falihada, al-ulama, ils emploient cette appellation, lakin ils précisent, anna abal-Hassan al-Ash'ari, taraka hadha al-madhhab al-munharif. Qala, Sheikh Mohamed Aman, la yazaloun. يكذبون ما في الإبانة, يقولون ما هو صريح, ما هو صحيح رجوع أبي الحسن إلى مذهب السلف. وهذا حال أهل الأهواء. حتى الأشاعرة aujourd'hui quand ils sont conseillés et et tu leur exposes, tu leur montres anna al-imam alladhi yantasibuna ilayh, cet imam qui prétend suivre Abu al-Hasan al-Ash'ari, fa taraka hadha al-madhhab al-batil, et il a écrit un livre al-Iban, et il a écrit une autre risala maqalat al-islamiyin, il a écrit une autre al-muhim, il a montré annahu revient aqidat salaf, annahu yuthbit as-sifat, lakin ahl al-ahwa ماذا قالوا من الأشاعرة اليوم كيس كي ديز إذا أنا هذا سي مانسونج سي با أبو الحسن كي يكري سو ليفر لأن أبو الحسن إلي مور أو كاتخيام سيكل دو ليجير نحن الآن أوني أو كانزيام فصافي لونتون فهم يقولون أن سي دو كذب لكن العلماء الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده إذن مونتخي أن هذا سي من كتب أبو الحسن الأشعري. Lakin hakadha ahlul ahwa, vu que ça les arrange pas et ils pensent qu'ils sont à la haq, fa ils disent ana vous montez sur Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et fil haqiqa, on se doit tous de suivre le kitab ou le sunna. Fa même si on dit que ce livre c'est pas Abu al-Hasan al-Ash'ari qui l'a écrit, fa le Coran c'est kalamullah wa sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam elle est wadhiha fi hadhihi al-masail wal a'imma avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, après lui, ils ont démontré le madhhab du salaf. Lakin hakad al-ahwa. Ahl al-ahwa, da'iman yata'assabun. Yata'assabun, les chers, même si tu montres les erreurs de leur shir, ou anna leur imam lui-même, il contredit ce qu'ils disent, imma ils vont dire c'est un mensonge, imma ils vont interpréter. Amma annahum yatrukun, ils délaissent et ils reviennent au haq, hadha c'est qalil iyadam billah. هذه نبدة مختصرة un bref historique de Al-Ash'ari. Donc on a bien compris que Abu al-Hasan al-Ash'ari, cet imam que Haoulay prétend suivre, il a connu trois étapes. La première étape, Al-Yatizal, il était avec le Mu'tazila. Thumma, il a rejoint le groupe des Kullabiyya. Thumma, Taba, il est revenu à Madhab al-Salaf fil Jumla. Et on répète, nahnu, ce qu'on va détailler l'un, c'est la deuxième étape qu'il a délaissé Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullah alayhi. Et al-Ash'ari al-an كذلك al-Maturidiyya, c'est le même groupe qui يختلفون في بعض المسائل وإلا il y a aucune différence فهؤلاء في الحقيقة c'est des kullabiyya, même s'ils s'appellent Ash'ari et le nom il change rien, فالإنسان il sera jugé sur son mu'taqad, sur ses a'mal. Et كذلك ça nous montre هذا أن c'est du ظلم. Le fait de prétendre que Abu al-Hasan al-Ash'ari il était على هذا أنهم ils le suivent لأنه il a une منزلة عظيمة et c'est un imam في الدين, c'est du ظلم. C'est de l'injustice envers cet imam. لأنه ترك هذا المذهب. والله المستعان. أما رؤوس الأشاعرة, parmi les guides de cette secte, on cite les plus connus, منهم أبو بكر Al-Baqillani, il est mort en 402 de l'Hégire. Et c'était une référence fi hadha al-madhhab. Kadhalik al-Imam al-Juwayni, Abu Muhammad, le père. Et il est mort en 438. Wa kadhalik son fils, Imam al-Haramayn, al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, sahib al-Waraqat fi usul al-fiqh. Il a écrit une risala ma'roufa, al-Waraqat. C'est Imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali. Kadhalik Abu Hamid al-Ghazali, et il est mort en 505 de l'Hégire. Sahib Ihya Ulumuddin. Hada, il est mashhour. Wa kadhalik Fakhruddin Ar-Razi. Et il est mort en 606 de l'Hégire. Et d'autres. Lakin, on a cité certains pour résumer. Wa ba'd ha'oula taraku ilm al-kalam fi akhir hayatihim. Et certains de ha'oula, ils ont délaissé hada al-madhhab al-batil. Et ba'dhum, ils l'ont délaissé et ils ont basculé dans un autre madhhab batil, madhhab al-tafwid. Ils ont prétendu que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas al-ma'na. Wa hadha, celui qui veut les détails, fa yanzur kitab al-sifat al-ilahiyya, lil-allama al-sheikh Muhammad Aman, al-jamil rahmatullah alayhi, il a cité une brève biographie de chacun de ha'oula et il a démontré ceux qui ont fait tawba parmi eux. Wa min dhalalat al-ash'ira, parmi les fondements qu'ils ont khalif, ce groupe, awlan, on cite deux points birtisar, qu'on détaillera pas, les anna on a déjà détaillé dans les doulos précédents. Ils se sont égarés, fi bab al-iman, Et ils se sont égarés fi bab al-qadr. Et nous on détaillera bi-idhnillahi azza wa jal akthar ma yata'allaq bis-sifat, dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ces deux points fa taqaddam ma'ana. Amma fi al-iman fa fi al-haqiqa ils sont ala 'aqidati al-murji'ah. Ay la yaqulun anna al-a'mal ça fait partie de l'iman. فعندهم الإيمان سمجرد التصديق بالقلب كما قال أبو بكر الباقلاني في الإنصاف وهذا تقدم معنا من أئمة الأشاعرة قال وأن يعلم أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب أي سلفت de croire avec son cœur فقط وهذا تقدم معنا أنه من مذهب المرجئة وإلا الإيمان عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة فاعتقاد بالقلب c'est une croyance avec le cœur وقول باللسان une parole avec la langue et كذلك أعمال بالأركان أي des œuvres avec les membres. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الأشعرية العلماء اللي يزابل أشاعرة أو أشعرية c'est la même chose. الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر. La plupart des Ash'ari ils sont على هذا في باب الإيمان c'est des مرجئة et في باب القدر c'est des جبرية. Et ces deux chapitres on les a détaillés ولله الحمد sur la secte concernant نعم المرجئة et كذلك la secte القدرية et Al-Jabriya, les deux sectes, on avait parlé de هذا الظلال. أما القدر فقال الآمدي في أبكار الأفكار والآمدي كذلك من رؤوس الأشاعرة. فالجبر عبارة عن نفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته إلى الرب تعالى. تذكرون هذه المسألة أن الجبرية الجبر هو عبارة عن نفي الفعل أي أن الإنسان c'est pas lui qui fait في الحقيقة il est مجبور il est forcé لماذا لأن tout est écrit Allah il a tout décrété فchaque être humain il a pas le choix celui qui fait du bien il a pas le choix celui qui fait du mal il a pas le choix عيادا بالله et ça c'est très très grave لأن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم. Et ça implique que ceux qui font du mal, qui s'égarent et qui iront en enfer, yadam billah min al-kuffar, min al-yahoud, min al-nasara, min al-malahida, annahum c'est de l'injustice, li annahum ils étaient forcés. C'est ça, qawl al-jabriya. Fal-ash'ira, mada yaqulun? Qal al-amidi, ghayra, anna al-jabriya tanqasim ila qismayn. Lakin al-amidi, min ru'us al-ash'ira, il veut démontrer anna al-jabriya, il y a de deux sortes. Il y a al-jahmiya, les égarés, et il y a hum. Qui sont à l'haq. قال جبرية خالصة وهي التي تثبت للعبد فعلا ولا كسبا كالجهمية. هؤلاء الجهمية. Ils disent que العبد il est forcé, il n'a pas le choix. Et on a étudié ce groupe, ولله الحمد, ensemble. Deuxièmement, جبرية متوسطة, أي جبرية du juste milieu. Et c'est l'Ash'ira. في باب القدر قال وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولكن تثبت له كسبا كالأشعرية. هم يقولون que العبد il a pas de فعل c'est pas lui qui fait لكن ce qu'on appelle الكسب et هذا سام مجمل فالحقيقة يغجوان عقيدة الأشعرة يغجوان عقيدة الجهمية الجبرية. Ils ont pas voulu dire clairement comme eux et ils ont cité ce mot pour montrer que l'insan il fait لكن في الحقيقة ce qu'il fait ça a aucun poids c'est comme s'il faisait pas لكن في اللفظ en apparence il fait الحقيقة leur قول يغجوان قول الجبرية. فلهذا قال ابن تيمية رحمه الله والأشعرة الجبرية في باب القدر لأن الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ستا إمام في هذه العقيدة يكونس عقيدة الجبرية الجهمية إلى اتجي عقيدة الأشاعرة إلى مدخي كلير مكسي لعمين الشوز إسك الأشاعرة يدزك أفعال العباد سفعل العبد العبد إلى المشيء إلى القدرة إلى آخره توصى بإذن الله عز وجل هم يدز الكسب فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يقول أي الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا صحيح أن الحقيقة يوكين ديفيرونس. قال بل حقيقة قولهم قول جهم أي قول الجهمية الجبرية إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب سيساق قول الأشاعرة في القدر في الحقيقة فلا تغتر بأقوالهم وإلا إفود غير الحق سيغفني أقول أهل السنة كي فوندي سور الدليل أن الإنسان إلا أون فولونتي Il a la capacité de faire ou ne pas faire. Et tout ça, c'est biqadar illahi azza wa jal. Et il s'écarte de al-shubah fi hadha al-bab. Lakin ta'lamoun hal ahl al-ahwa. Qala l'imam al-qayyim rahimahullah fi shifa al-alil wa kasb al-jahbriya. Et ce mot qu'ils ont inventé, l'ashaira. Al-kasb. Al-kasb, c'est ce que tu fais. Ma kasabta. Et c'est ce que tu as fait. Lakin ils ont emmené ce mot pour pas dire yaf'al, ils ont, et fil haqiqa, c'était pour s'éloigner de aqidat ahl sunnah. Qala kasbul jabriya la ma'na lah, wa la hasil tahta, wa qad ikhtalafat ibaratuhum fihi. Ça montre qu'ils sont à l'inhiraf. Anna hadha al-qawl, fil haqiqa, il a aucune ma'na, ça veut rien dire. Fali hadha, nahnu, on demande au ash'ira, est-ce que l'insan, c'est lui qui fait vraiment ses œuvres, am la? Si répondent oui, c'est l'aqidat d'Ahl Sunnah. S'ils répondent non, c'est l'aqidat al-Jahmiya. Fahoum, ils sont venus avec un qawl. Hatta, ils essayent de faire croire à Nahoum, ils sont à la ghayr qawl al-Jahmiya. Lakin, hada la yanfa'. Qal, wa qad ikhtalafat ibaratuhum fihi. Ça montre qu'ils sont à la batil. Il y en a certains, parmi les ash'ari, ils disent que le kazb, ça veut dire telle chose. D'autres, ils disent ça veut dire telle chose. Fali, hada, nastafid, nahnu min hada al-bab. من هذه المسألة أنهم في attention أو ألفاظ مجملة في باب العقيدة لأن هذا اللفظ ils l'ont cité et eux-mêmes ils n'arrivent pas à le définir face à ouvrir une porte d'égarement وإلا ils sont revenus à قول أهل السنة أن الإنسان فاعل حقيقة et tout ça c'est تحت مشيئة الله عز وجل كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et l'insan, c'est lui qui fait al-salat, c'est lui qui fait le hajj, c'est lui qui fait le siyam. Et al-kafir, c'est lui qui fait des ma'asi, c'est lui qui fait du kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera ha'oula al-ibad. Enfin, celui qui a fait du bien, fil jannah, et celui qui a fait du mal, iyadan billah, qui s'est écarté de l'islam, al-kafir ou al-munafiq, fa fil nar. L'astarahu wa arahu ghayrahum. Lakin, iyadan billah, ilmu al-kalam. C'est ça, ilmu al-kalam. Et mon kalam, c'est délaisser le kitab ou le sunnah et employer des mots qui sont basés sur la philosophie, sur des choses soi-disant, ce qu'il appelle le rationnel, la raison, et c'est que de l'égarement. Falhadar min hada. Quand on parle fi al-aqida, on emploie les mots qui sont cités fi le kitab ou fi le sunnah et que salaf ils ont employé. Et on fait attention des mots qui peuvent impliquer telle chose et telle chose, ça ouvre des portes d'égarement. Et tu as un exemple, on a avec l'Ash'a'ira. Et ma yata'allaq bil jabriya, on répète, wal murji'a, fa on l'a détaillé kathiran, walillahi alhamd. Wa min dhalalihim al-inhiraf fi bab al-sifat. Taqaddam ma'ana, on a étudié deux sectes qui se sont égarées fi hadha al-bab, al-jahmiya, al-mu'attila, wal-mu'tazila, al-mu'attila. ولله الحمد. الأشاعرة كذلك انحرفوا في هذا الباب. لكن vous allez voir que leur diverge leur égarement في هذا, il est pas comme l'égarement de l'Jahmiya ou al-Mu'tazila. Même s'il y a une ressemblance, c'est pour ça que l'ulama quand ils citent أهل التعطيل, أي ceux qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils citent منهم الأشاعرة. لكن vous allez voir qu'ils ont une autre méthode, une autre manière. Ils ont accepté certains attributs et ils ont rejeté d'autres. ونقرأ un بحث جميل في هذا de الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمورية. التدمورية de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنرد على الأشاعرة على المعطلة كذلك على القدرية الجبرية. Il a partagé son livre en deux. La première partie sur ses fêtes, la deuxième partie sur le qadr, où il yarud ala haoula. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahoullah, il a simplifié هذا الكتاب في التقريب. تقريب التدمورية. فنقرأ كلامه فيه خير وكفاية. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهullah في التقريب التدمورية وطريقتهم أي الأشاعرة أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات وَنَفَوْ حَقَائِقَ أَكْثَرِهَا. Donc ils ont accepté les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et certains attributs, certaines sifat. وَنَفَوْ حَقَائِقَ أَكْثَرِهَا. Amma, la plupart des attributs d'Allah, ils les ont rejetés. قَالَ وَرَدُّوا مَا يُمْكِنُهُمْ رَدَّهُ مِنَ النُّصُوصِ وَحَرَّفُوا مَا لَا يُمْكِنُهُمْ رَدَّهُ وَسَمَّوا ذَلِكَ التَّحْرِيفَ تَأْوِيلًا. C'est ça la différence avec Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Léana, pour eux, si tu dis qu'Allah il a du ilm, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit, Allah il entend, pour eux tu le fais ressembler à la créature. Enfin, ils ont rejeté, ils ont dit Allah il ressemble pas à la créature. Enfin, ils ont rejeté tous les textes qui démontrent à Allah subhanahu wa ta'ala il a tel attribut, tel attribut. C'est des égarés mu'attila. Al-Asha'ira, ils ont rejeté ce qu'ils pouvaient rejeter. Ay, ils ont une qa'ida batila wa khatira, anna indahum certains ahadith, ils sont pas acceptés. Même s'il est fait sahih. Léana, pour eux, yufid al-dhan, ce qu'on appelle al-ahad. Pour eux, il faut que le hadith soit mutawatir. Et plusieurs compagnons l'ont rapporté, vient plusieurs chaînes de transmission authentiques, hatta on n'a aucun doute. Ça, c'est de l'égarement. Amma inda ahl sunnah, inda atba' as-salaf, tant que le hadith il est sahih, même s'il vient d'une chaîne de transmission d'un compagnon, ce qu'ils appellent l'ahad, ou deux, ou trois, al-muhim il n'est pas mutawatir, fa'indahum il est accepté tant qu'il est sahih. Limadha li'anna Al-Khabar, il est fondé sur Naql, Al-Adl. Tant que celui qui transmet ce Khabar, c'est un Adl min al-Udul, une personne de confiance. Que ce soit un Sahabi, et les Sahaba, ils sont tous de confiance, radiyallahu anhum. Ou un imam, min a'immat al-Din, on accepte. Fahum, quand le hadith, il khalif leur passion, et soi-disant la raison, ils le rejettent. Lakin, des hadiths, et même bab awla al-Qur'an, ils ne peuvent pas le rejeter. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وردوا ما يمكنهم رده. Ce qu'ils peuvent rejeter, ils l'ont rejeté. من النصوص وحرفوا ما لا يمكنهم رده. Al-Qur'an, tu ne peux pas le rejeter. إلا زنادقة كما الجهمية إلى آخره. أما هؤلاء, ils n'ont pas rejeté le Qur'an. Ils ont dit, مثلا, نعم, Allah, il a des mains. Il y a nécessité في القرآن. بل يداه مبسوطة. Ils ont dit, na'am, Allah, il a des mains, c'est écrit dans le Coran. Lakin, le sens de ses mains, ça veut dire telle chose. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينُ وَحَرَّفُوا مَا لَا يُمْكِنُهُمْ رَدَّهُ. Vu qu'ils n'ont pas pu rejeter le texte, le verset, où qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il cite qu'il a deux mains, فَمَاذَا فَعَلُوا حَرَّفُوا. Ils ont déformé. Ils ont interprété avec le hawa. C'est ça, madhhab al-ash'ari fi as-sifat. On cite بعض كلامهم حتى لا يقول قائل لكن اسكو الأشاعرة يديز بغمو هذا اسمع إلى أئمتهم وهذه النقولات من كتبهم ساسي لغزيمام كيما يكخي هذا فمنهم الرازي في كتابه أساس التقديس قال البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظاهر النقلية فكيف يكون الحال فيهما انظروا سيد كيستيون كلا بوزي. Et il va citer une réponse. Cette question, c'est si on a un texte qui montre, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il cite maintenant dans un verset du Coran une sifa. Et ce texte, il contredit la raison. Enfin, comment on doit faire? Yadam billah. La question, c'est de l'égarement. Les anna, le Coran ou le sunnah, ça ne peut pas contredire la raison. Fa'indahum maintenant, le verset, anna Allah, il a un visage. Ou le hadith, أن الله سبحانه وتعالى يدسن au dernier tiers de la nuit أو أن الله il a deux mains أو le verset أن الله سبحانه وتعالى il se met en colère أو أن الله il aime يحب التوابين ويحب المتطهرين كم من آيات فعندهم vu que ça contredit la raison لماذا ça contredit la raison لأنهم ils ont un أصل باطل et c'est أصل جميع المعطلة أن pour eux si tu dis qu'Allah il a des mains il a un visage il se met en colère, il l'aime, il a arrêté. Pour eux, tu l'as fait ressembler à l'être humain. Les malades, l'être humain, il a ce sifat, kadalik. Fait pour eux, à cause de ce asl batil, et c'est asl tamthil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essayent de trouver une solution. Comment faire? Isma' kalama, la réponse. Qala i'lam, أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. Tu as quatre solutions. Si tu as un texte qui contredit la raison, pour eux Allah, c'est pas possible qu'il aime ou qu'il se mette en colère ou qu'il fasse miséricorde. لماذا لأن pour eux c'est des attributs de l'être humain. Donc pour eux il faut faire quelque chose. Les rejeter, ils peuvent pas, c'est cité dans le Coran. S'ils les rejettent, ça devient des Jahmiya, Mu'tazila. Lakin hum, ils disent là on croit, lakin il faut comprendre ces textes comme il se doit. Hakada yaqulun. La solution c'est qala im an yusaddaq muqtada al-aql wa an-naql fayalzam tasdiq an-naqidain wa huwa muhal. Imma tu acceptes le texte et la raison elle accepte. Pour eux, pour l'Asha'ira, c'est impossible. Il y a une contradiction. Alors que, dans la réalité, maintenant, nous, on dit Allah, il a deux mains. Il y a nécessité dans le Coran, il y a deux mains. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il t'a aidé, il y a mis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, il a deux mains. Enfin, nous, on dit ça et on ne contredit pas la raison. L'imam, on ne contredit pas la raison. Les anna walillahi alhamd, en suivant les salafs, on s'est écarté de cette chouba. Est-ce que le fait d'avoir deux mains, c'est forcément une ressemblance à la créature là? من قال هذا؟ Qui c'est qui a dit هذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala, il était avant la créature. نعم, pourquoi le fait ressembler à l'être humain? C'est Allah qui a créé l'être humain. C'est un qawl batil. Lakin hum, vu qu'ils ont ce mabda, ce fondement, ماذا قالوا? C'est impossible. Tu ne peux pas accepter les deux. Donc tu dois passer à la deuxième étape. Deuxième étape, قال وَإِمَّا أَنْ يُبْطَلْ فَيَلْزِمُ تَكْذِيبُ النَّقِضَيْنُ وَهُوَ مُحَرْ. Et moi, on rejette les deux. On rejette la raison, ce qu'elle nous dit la raison, et on rejette le texte. Il a dit, Hada, c'est pas possible. Tu peux pas rejeter les textes. Troisième cas. Wa imma an yusaddaq al-dhawahir al-naqliya wa yukaddam al-dhawahir al-aqliya. Wa dhalika batil. Li'annahu la yumkinuna na'rif sihhatu al-dhawahir al-naqliya illa idha arafna al-dala'il al-aqliya ila akhiri. Qal, la troisième, imma on rejette les textes. Et on garde la raison. Il a dit là, c'est pas possible. Il y en a la raison, c'est elle qui va nous expliquer ces textes. Il reste le quatrième cas. قال ولما بطلت الأقسام الثلاث لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية. Et tu gardes le texte et ce texte tu l'expliques avec la raison. عيادا بالله. Allah il a des deux mains. عندهم. Si tu parles avec un chari, il va dire non, c'est cité dans le Coran. Summa, il va te dire, Lakin, fais attention, c'est pas des vraies mains. Anta, tu vas lui dire, si, c'est des vraies mains. Et il va te dire, si tu dis c'est des vraies mains, c'est comme les mains de la créature. Enfin, Anta, tu vas lui répondre, Na'oudou billah. Là, Allah, il a des vraies mains, et c'est pas comme les mains des créatures. Les Allah Azza wa Jal, il nous a informé qu'il a des mains, et il nous a informé qu'il ressemble pas à la créature. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Enfin, vous avez compris l'un, un madhhab al-ash'ira, il est fondé sur la raison et ils expliquent les textes avec la raison. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. Il a écrit هذا الكتاب. C'est une référence. Fil bab, il a été imprimé en plusieurs volumes. Rahmatullah alayhi, pour démontrer أن la raison saine, الفطرة, elle contredit pas les textes. Donc tu as pas besoin de t'imposer, de déformer. Hum, ils appellent interpréter ta'wil, et fait le haqqiqa, c'est du tahrif, il déforme. Fa Cheikh al-Islam parle dans ce livre, laysa fil ma'qul as-sarih ma yumkin an yakun muqaddaman ala ma ja'at bihi ar-rusul wa dhalika li anna al-ayat wal barahin dalla ala as-sidq ar-rusul wa annahum la yaquluna ala Allah illa al-haq wa annahum ma'sumun. Ayadan billah, comment on va rejeter haqiqatu an-nass? مثلا tous les adilla sur les sifat. Alors que les rusuls, ils les ont transmis. Pourquoi les rejeter? Léna, on a l'aqid, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le Coran, et il était à la haqq. Walillahi alhamd, il était ma'assom, il ne pouvait pas se tromper. Donc, alhamdulillah, pourquoi vouloir déformer? Léna, s'ils déforment, c'est qu'ils n'acceptent pas mada. Ils n'acceptent pas la base. Ils n'acceptent pas le verset. C'est pour ça qu'il faut le déformer. Iyadam billah. قال لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. C'est impossible qu'il y ait une erreur fil wahid. Enfin, celui qui accepte son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a la conviction qu'il est à la haq, il peut pas rejeter l'imam, il rejetterait. L'imam, il est appuyé par la révélation. Tant que le khabar il est sahih, on l'accepte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah il descend, le dernier terme de la nuit, on dit Allah il descend. Hum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, le hadith il est sahih, Allah il descend. Lakin, le vrai sens, c'est que c'est l'ange qui descend. Ayyadam billah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit l'ange il descend? Pourquoi il a dit Allah? Et est-ce que l'ange il va dire, hal min sa'ilin fa'u'tiya? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah? Est-ce que l'ange il va dire hala? C'est l'ange qui pardonne, c'est l'ange qui exauce, qui répond aux invocations des mu'minin, ayyadam billah. Fanzur ou l'interprétation ou qu'elle les a emmenés, ayyadam billah. فعلى كل حال الأشاعرة لما ظنوا أن هناك تعارض بين العقل والنقل في باب الصفات quand ils ont pensé qu'il y avait une contradiction entre les textes et la raison dans ce domaine les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala أوجبوا على أنفسهم ils se sont imposés ماذا de trouver une solution et la solution qu'ils ont trouvée c'est d'accepter les textes en apparence et de les interpréter عيادًا بالله la question qu'on se pose là, ce madhab il a apparu quand à peu près On va dire, il est apparu au 3e siècle, la fin du 2e siècle. Ibn Kulayb, on va dire le 3e siècle de l'Hégire. La question qu'on pose à Ha'oula, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à cette période, est-ce que les gens, ils n'étaient pas à l'haq? Ils ignoraient ces interprétations? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, qala, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Din, il a été complété, parachevé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, chacun a le peuple le plus important, c'est hada. C'est ma'rifatullah, al-iman billah, al-tawhid. Lakin ha'oula, même s'ils ne le disent pas clairement, fil haqiqa, leur qawl, ils impliquent hada, na, toutes ces générations, elles étaient ignorantes. Et hum, ils sont venus avec hada al-ilm. قال الإمام البربهاري رحمه الله ووضع القياس أي في صفة الرب قياس ils ont comparé ils ont quand ils ont lu tous les textes sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont fait ce qiyas cette comparaison Allah il descend ils ont fait la comparaison comme l'être humain s'il descend c'est que kada kada ils ont dit c'est pas possible en fait c'est un ange en fait c'est la rahma d'Allah qui descend Est-ce que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala elle descend que le dernier tiers de la nuit? La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala elle descend toujours. Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimin. Qala wa hamalu qudrat ar-rabb wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa ara'ihim. Qala fama wafaqa uquluhum qabiluhu wa ma lam yuwafiq uquluhum radduhu. C'est ça le hal. Imam al-Barbahari rahimahullah c'est min a'immat as-sunnah. Et il a résumé ce que le aql il accepte leur passion enfin ils l'acceptent ce qu'ils acceptent pas ils le rejettent lakin taqaddam ma'na ils vont pas le rejeter clairement là ils vont l'interpréter et si tu dis anta Allah il a des vraies mains Allah il a un visage comme ils ont dit salaf ils ont jamais interprété ben Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim il a révélé ce Quran bil arabia avec des mots qu'on comprend Enfin, Allah il a un visage, Allah il a des mains. Lakin ça ne veut pas dire qu'il a des mains comme les créatures, iyadam billah. Et anta, si tu dis qu'Allah il a ses sifat, ils vont dire que t'es un mumathil, mujassim, min al-hashawiyya. Hakada yata'anoun fi ahli al-haq, iyadam billah. Ay, anna as-sunni, celui qui suit as-salaf al-salih, as-salafi pour eux, c'est un mujassim. Ay, il fait ressembler Allah à la créature. Alors que le masakin, ils savent ou ils ne savent pas, Allahu a'lam, bihalihim, anna c'est sa madhab, ar-rusul jami'an. Et c'est la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Et, fi jawharat al-tawhid, c'est un de leurs livres, قال صاحب هذا الكتاب الى سيتي ان بيت شعري ان فير دو بويزي ريزوم لو عقيده قال وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها اي شاك نص اوهم التشبيه quand tu as un verset du Coran ou un hadith et en apparence c'est du tashbih ay une ressemblance d'Allah à la créature, qu'est-ce que tu dois faire? Mathalan, Allah il a des mains, Allah il a un visage, il a un khirit. أوله interprète. أوفوض التفويض, c'est tu dis je ne sais pas ça veut dire quoi. Allah il a un visage, je ne sais pas c'est quoi. عيادا بالله. Allah il a des mains, je ne sais pas c'est quoi. Allah il descend, je ne sais pas c'est quoi. هذا c'est من الضلال. Allah il a de la rahma, il est miséricordieux, je ne sais pas c'est quoi. C'est ça التفويض. فإما interpréter إما التفويض. C'est pour ça que كثير من الأشاعرة ils ont délaissé madhhab الأشاعرة quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de contradictions. Et ils ont suivi madhhab al-tafwid en pensant que c'était madhhab al-salaf. Et hada, inshallah, la'alla, on expliquera hada, on l'a déjà expliqué, wallahi alhamd, dans durus al-aqida. Qal awwilhu aw fawwid warum tanziha. At-tanzih, c'est ne pas faire ressembler Allah à la créature pour s'écarter de l'égarement. At-tamthil, imma interprète, imma al-tafwid. Hada huwa madhhab al-ash'ira. Qal al-shaykh al-uzaymin, rahimahullah, fi al-taqrib. Il va détailler avec des exemples. Pour répondre à haoula. قال فأثبت لله من الصفات سبع صفات. الأشاعرة ils ont accepté sept attributs. لماذا sept? Vous allez voir que ces sept pour eux ça contredit pas la raison. Donc ils les ont acceptés. قال الحياة أي la vie. Allah c'est le حي. Ils ont accepté ça. والعلم la science. والقدرة la capacité. والإرادة la volonté. والكلام la parole. والسمع l'ouï. والبصر la vue. Ils ont accepté هذا. C'est ce fait. مع هذا أن ils les ont pas accepté comme ils ont montré à السلف. وإنشاءالله on citera un exemple avec صفة الكلام. قال الشيخ ابن عثيمين على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. نعم. On a ne pas croire en ces sifat, ils les ont acceptés comme les salaf. Là, certains sifat, comme sifat al-kalam, ils se sont égarés, même s'ils disent qu'ils l'ont accepté. Les malades, ils l'ont accepté avec al-hawa, et ils l'ont interprété avec les passions, pas comme les salaf, ils ont démontré. Qala, wa shubhatuhum fima dhahabu ilayhi. Et ça, c'est important. C'est important de connaître les égarés, connaître leur égarement et connaître leur shubha. C'est pour ça que on a décidé ensemble, wallahi alhamd, d'étudier ces groupes. Ces groupes, ils sont présents. Les Ash'ari, ils sont présents partout à notre époque. Dans la plupart des bouledan, c'est l'aqidat al-Ash'ari qui est étudiée, qui est transmise, qui est enseignée. Enfin, nous, on étudie hada pour faire attention, pour mettre en garde, pour connaître la base de leur égarement. Et c'est ça qui est important. On répète, on ne sait même pas comment, un jour on suit ses fondements, ou à la nadri. Ah, là, c'est important de connaître les égarés, connaître leur usul et connaître asl shubha. Pourquoi ils se sont égarés? Fal ash'ira, pourquoi ils ont accepté que c'est sept? Pourquoi ils ont rejeté le reste? قال الشيخ ابن عثيمين وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوا أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. Ils ont pensé, ils ont cru que si tu dis que Allah il a l'attribut de Ar-Rahma, de Al-Mahabba, de Al-Ghadab, des mains, le visage, il a akhiré, tu vas le faire ressembler à la créature. Donc, ils ont rejeté avec des interprétations ta'wilat, tahrifat, al-haqiqa ba'id. Qal shi'un l'untaymin wa rad alayhim min wujuh. Il va répondre à cet égarement en plusieurs points, on résume. Qal al-awwal, premier point. أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. أولا cette prétention أن on doit revenir à la raison, on a cité كلام الرازي, أن هذا c'est باطل. لماذا؟ لأن السلف c'est أفضل هذه الأمة بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. حديث عمران تقدم معنا كثيرا حديث عمران رضي الله عنه. دونك هؤلاء قال شيخ العثيمين الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف. ça c'est باطل. السلف يغفني au نص يغفني au texte. أما la raison لا. لماذا؟ لأن c'est من أمور الغيب كما سيبين شيخ العثيمين. قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن ولا الحديث. في هذا الباب كم زلت من أقدام أكلت الهوى الجهل التقليد. أما طريقة النجاة سهذا نصف الله بما وصف به نفسه. ce que Allah سبحانه وتعالى il a cité comme attribut on le cite. لأن الله عز وجل أعلم بنفسه عز وجل كذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتعدى القرآن والحديث on dépasse pas les limites لماذا لأن c'est des choses de l'invisible et si tu parles avec la raison et avec la vie et je pense et le qiyas des comparaisons c'est une porte d'égarement قال شيخ ابن عثيمين الثاني deuxième point أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل صحيح le fait de prétendre de revenir à la raison dans ce chapitre chapitre 7 ça contredit la raison لماذا قال لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال هذا الباب باب الصفات tu peux accepter qu'avec un nas كما بين شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا أن إثبات الصفات avec un nas لماذا لأن الله عز وجل on l'a pas vu كذلك on n'a pas vu quelque chose de semblable ليس كمثله شيء personne ne ressemble à Allah il nous reste qu'une chose c'est الخبر الصحيح Allah سبحانه وتعالى il a informé son messager صلى الله عليه وسلم أنه il a deux mains أنه il se met en colère أنه il aime أنه il a un visage أنه il descend dans les tirs de la nuit tous les attributs dans le Coran et dans le Sunnah on accepte فكيف on va faire rentrer l'aql alors qu'on n'a jamais vu Allah عزه وجل on n'a jamais vu une chose de semblance personne ne lui ressemble il nous reste que le khabar al sahih on accepte هذا الخبر والاستسلام في هذا الباب le fait de prétendre de revenir à la raison ça contredit la raison quelle raison c'est pas un bab ان العقل يستقل ان العقل peut comprendre les choses seul là العقل il suit les textes في هذا الباب et العقل السليم ولله الحمد il trouve aucune contradiction est-ce que salaf ils avaient pas de عقول معاذ الله عيادا بالله est-ce que أهل السنة الآن ils ont pas d'عقول ولله الحمد c'est أعقل الناس فمع هذا ils acceptent les attributs d'Allah سبحانه وتعالى قال ثالثا أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر هم يقولون أننا on doit revenir au عقل la question qu'on pose نحن وهؤلاء الأشاعرة quel عقل quel raison أنا je vais penser que les mains il faut les expliquer de telle façon un autre il va me contredire un troisième il va nous contredire comment on fait et ça nous montre الحكمة de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam hikmatullah subhanahu wa ta'ala أن la référence c'est الرسول sallallahu alayhi wa sallam il a بلغ القرآن إلى transmis القرآن الله سبحانه وتعالى lui a révélé السنة et si on veut être uni et sur le bon chemin on suit النبي صلى الله عليه وسلم أما la raison الآن الأشاعرة entre eux يختلفون كما قال شيخ ابن عثيمين فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر c'est pour ça que مثلا من الخلافات entre الماتوريدية entre الكلابية ces groupes qui se ressemblent c'est واحد il dit que telle chose c'est une صفة l'autre il dit là ça prouve qu'ils sont à la batil وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قال الرابع quatrièmement أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه et ça c'est من أقوى الردود تأملوا l'exemple vous allez comprendre هذه الجملة أي en gros هنا أنهم ils prétendent interpréter cet attribut مثلاً les mains c'est le قوة كما سيأتي من كلام شيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين il montre هنا أن vous dites que les mains c'est بمعنى القوة لماذا il y en a pour eux si tu dis qu'Allah il a des mains tu le fais ressembler à la créature donc ils ont dit c'est le قوة شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يبين هنا واستفاد من التدمرية الأصل de شيخ الإسلام يبين هنا رحمة الله عليه أن الإنسان كذلك il a de la قوة Donc tu es obligé d'interpréter la quwa, kadali. Si tu dis la quwa, un deuxième va venir, il va dire mais l'être humain il a de la quwa, il faut l'interpréter. Tu vas interpréter par une troisième chose. Kadali. قال الشيخ ابن عثيمين مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه المخلوق الذي له يد ça c'est la shubha pourquoi il rejette la sifa لأن pour eux ça va impliquer une ressemblance d'Allah عز وجل à la créature فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية لأن للمخلوق قوة مثلا on peut leur citer قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé min ضعف ثم après le ضعف قوة. L'être humain au départ il est faible, il est petit, il est dans le ventre de sa mère, enfant, il grandit, حتى il a شيء من القوة ولله الحمد. Est-ce que cette قوة elle ressemble à la قوة de Allah subhanahu wa ta'ala? أبدا. فكذلك les mains ne ressemblent pas aux mains d'Allah عز وجل. Tu acceptes les deux صفات انتهينا. أما القوم ils sont في تناقض مستمر. Tu trouveras من أشد الناس تناقضا, et parmi les personnes qui se contredisent le plus في هذا الباب, الأشاعرة. قال شيخ العثيمين رحمه الله الخامس, cinquième et dernier point, أن قولهم فيما نفوه إثباته يستلزم التشبيه ممنوع, لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. هذه عقيدة أو قاعدة في العقيدة نافعة جدا, أن الاشتراك في المسميات أو في الموصوفات ça implique pas une ressemblance. مثلا on vient de citer l'exemple, الله سبحانه وتعالى إلى صفة القوة من أسمائه القوي. Donc il a صفة القوة, la force. Et cette sifa fi haqqillah elle est parfaite. Allah il est capable de tout et il n'y a rien Azza wa Jalla qui ne peut pas faire. C'est le qawi subhanahu wa ta'ala. L'être humain il a sifat al-quwwa. Lakin tu es limité. Mathalan ta force elle va te permettre de porter une charge de 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg maximum et khalas. Quwwa et quwwa, c'est ça l'ishraq fil asma. Et le même nom en apparence. Quwwa quwwa. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? Abadan. هؤلاء القوم الأشاعرة ils ont pensé que le même lafz ça implique التمثيل, ils ont rejeté. لكن تناقضوا, ils ont rejeté les mains et ils ont accepté certaines صفات. On revient les sept صفات qu'ils ont accepté. La première الحياة, la vie. Est-ce que l'être humain il a une vie? نعم لا شك. N'importe quel عاقل même أكفر الكافرين il va te dire نعم. بل هذا السؤال ربما si tu le poses tu peux être accusé d'être accusé de folie. On est vivant. La preuve, elle est devant nous. On est vivant. Est-ce que notre vie, c'est la même que celle d'Allah? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hay, c'est l'awwal, c'est l'akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas, il a toujours existé. Amma nahnu, notre vie, on a été précédé par le néant, on goûtera à la mort. Et même après l'éternité, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit fil jannah, fa sabi idnillah, et notre vie elle est faite de faiblesse, on tombe malade, il a akhiré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie elle est parfaite. Et eux ils ont accepté sifat al-hayat. Ils l'ont accepté, malgré que l'être humain il a. Fa'nahnu, on leur dit, c'est la même chose avec les autres attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le dernier tiers de chaque nuit. Est-ce que c'est comme nous quand on descend de la terrasse d'une maison? Abadan. Abadan, Allah il descend comme il veut. C'est lui qui a créé hadal kawn, il est capable de tout. Et نحن on reste sur هذا ولله الحمد on est في خير. Est-ce qu'Allah il a un visage? نعم. C'est un vrai visage? نعم. Est-ce qu'il ressemble au visage des créatures? Abadan. لأن الله سبحانه وتعالى nous a informé qu'il a des sifat et il ressemble pas aux créatures. بل شيخ الإسلام رحمه الله في التدمورية et شيخ ابن عثيمين il a résumé هذه المسألة في التقريب أن حتى في المخلوقات tu peux avoir اشتراكم في الأسماء. Et deux mêmes noms, mais fil haqiqa, c'est pas la même chose. Et il a cité plusieurs exemples, et maintenant on en cite un, Na'imul Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé fil Qur'an al-Karim, anna al-mu'minin, ils profiteront de plusieurs choses fil Jannah. Parmi ces choses, maintenant, certains fruits. Inab wa rumman, ila akhir, c'est cité fil Qur'an. Ou, anhar min laban, min assal, min khamr, ila akhir. Ces choses, elles existent l'un fait de dunya. Est-ce que c'est pareil? Abadan. Mathalan, inabu ad-dunya, les raisins qu'on a aujourd'hui dans cette dunya, ça ne sera pas comme les raisins fil jannah. Pourquoi? Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala fil hadith al-qudsi a'dadtu li'ibadi s-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé pour mes serviteurs croyants, قال عز وجل في الجنة, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune autre oreille n'a entendu, حتى القلب ما خطر على قلب بشر, حتى ce qu'aucun cœur n'a pensé, n'a imaginé. Pourtant on connaît l'inab, نحن on sait c'est quoi des raisins, on en a في الدنيا, c'est pas la même chose في الجنة. Ça c'est créature avec créature. Comment non, haoula, walillahi al-mathalu al-a'la, ils ont dit, les mains c'est comme les mains, le visage c'est comme les visages, et attalou. Et ils se sont contredits, ils ont accepté certains attributs. Tu peux prendre tous les attributs, mathalan. As-sam'a, Allah il entend. L'être humain, kadhalik, il entend. Fait pourquoi vous avez accepté cette sifa? Famadha sayakoulou. فَلِهَذَا الْمُعْتَزِلَةِ فِي الْحَقِقَةِ Ils se sont moins contredits. الْمُعْتَزِلَةِ مَاذَا قَالُوا Ils ont dit السَّمْ وَالْبَصَرْ وَالْكَلَمْ Toutes ces sifats, l'être humain, il les a. Donc pour eux, ça a impliqué la ressemblance. Ils ont tout rejeté. فِي الْحَقِقَةِ Ils se sont moins contredits que l'Ash'ari. L'Ash'ari, ils ont accepté une partie, ils ont rejeté l'autre. Et tout ça fondé sur الْهَوَى. أما certaines sifats, كصفات الكلام, ils l'ont accepté. Ça nous montre que cette acceptation de cette sifat, c'est par rapport à leur raison, pas par rapport au texte. فلهذا في صفة الكلام ماذا قالوا؟ قال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد. C'est une référence في المذهب الأشعري. اعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه. عندهم الكلام صفة الكلام اللي أكسبت لكن عندهم سان كلام نفسي أي ça c'est من عجائب الأشاعرة أي سان كلام لكن il n'y a pas de son, il n'y a pas de lettre c'est un كلام نفسي صفة ذاتية. On peut se poser la question, donc القرآن qu'on lit, المسلمون aujourd'hui qui lisent ولله الحمد et qui écrit في المصاحف et qui a appris par cœur par كثير من المسلمين, est-ce que c'est كلام الله عندهم؟ أبدا. عندهم سعبارة حكاية عن كلام الله أي c'est une créature qu'Allah il a créé pour montrer الكلام النفسي. الكلام النفسي ce كلام qui n'a pas de son, qui n'a pas de lettre. قال الجويني في الإرشاد فإن معنى قولهم أي المعتزلة هذه العبارة كلام الله أنها خلقه ونحن لا ننكر أنها خلق الله. في الحقيقة ليسوا على مذهب المعتزلة. الجويني من أئمتهم يقول أن نحن نتكور بك معتزلة كنت تدسك القرآن إلى مخلوق هذه الكلمات أي القرآن لكن هم ils se détachent, ils sont en désaccord avec المعتزلة في ماذا أن الله لا صفة الكلام لكن كلام نفسي. أما المعتزلة يدس يبقى du tout de كلام. أما إسك القرآن c'est كلام الله؟ لا. ففي الحقيقة ils sont على عقيدة المعتزلة في القرآن. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم يقولون إن كان الله تعالى يتكلم بكلام له صوت وحرف لازم من ذلك التشبيه والتجسيم. لا من شبهة سي عندي كالله يتكلم بحرف وصوت. حرف صابدي قوى بك دي لتر الصوت سي ان صن. مثلا الله إلا parlé à موسى إلا entendu الكلام. Il a entendu Allah lui parler. Et qu'est-ce qu'il a entendu, Moussa? Il a entendu un son et des lettres. Qawlullah Azza wa Jal, alif, lam, mim. C'est un son que tu entends et des lettres. Alif, lam, mim. C'est kalamullah. Ils disent là. Pourquoi? Si tu dis que c'est kalamullah, tu fais ressembler Allah à la créature. Limada? Qala rahmatullah alayhi. Li'annahu labud lahu hina idin min makharij al-huruf. من اللسان والشفتين وغيرهما والله منزع عن ذلك. Si tu dis que كلام الله c'est avec des sons et des lettres, ça va impliquer que ce son et ces lettres, il faut des makharij huruf. Ceux qui ont étudié le tajwid يعرفون هذا. مثلا الحاء الى مخرج القاف الى مخرج. Certains huruf مثلا المخرج c'est اللسان. Certains huruf c'est الحلق. Et ils disent Allah سبحانه وتعالى, on peut pas dire qu'il a un حلق, une gorge ou une langue ou des dents ou des lèvres. Ils disent là, c'est pas possible. Est-ce que tu peux comparer Allah subhanahu wa ta'ala à la créature? Allah yatakallam bi kalam, et c'est pas comme la créature. Et sma'ou ce mithal que Cheikh Mohamed Aman il va citer rahmatullah alayhi, li yarud alayhim, pour démontrer anna hatta al-aql ils n'ont pas suivi. Et les textes min babi awla. Qala rahimahullah al-jawab. إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته دون أن نلزم كلامه لوازم كلام البشر انتفت الشبهة. أولا أن الشيخ محمد رحمه الله يقول si on délaisse cette شبهة, on ne fait pas de comparaison entre le كلام d'Allah, la parole d'Allah et la parole de la créature, on n'a pas à s'imposer tout ça. Allah il parle comme il veut, l'être humain il parle, et bien sûr l'être humain qui parle en général il a une langue, il a des lèvres, il a un halq, il a akhri. Mais Allah عز وجل, tu n'as pas besoin de comparer. هذا أولا. ثانيا قال وقد جاء في القرآن الكريم أن بعض أعضاء بني آدم سوف تتكلم يوم القيامة كما ثبت في السنة كلام بعض وكما ثبت في السنة بعض كلام الجمادات. تأملوا هذا في القرآن. ندي آية on peut la citer maintenant. قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يدمونتخ أن les mains des êtres humains يوم القيامة elles vont parler. Est-ce que dans les mains tu as une bouche, tu as des dents, tu as des lèvres, tu as une gorge, tu as rien de tout cela? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de faire parler cette main? نعم. كما جاء في الحديث أن quand Aïcha elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que quand elle a su que certains ils vont marcher à la wujuhihim يوم القيامة et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'ils vont marcher sur leur visage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu celui qui les a fait marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur leur visage. Allah, il est capable de tout. C'est ce problème qu'ils ont, Al-Ash'a'ira. Enfin, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire parler cette main sans bouche. Il a akhri. Fa'limada, Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne serait pas capable de parler sauf s'il ressemble à la créature. Sou'udhan billah. Ta'ammalu le deuxième exemple. Qala, Cheikh Mohamed Aman, wa thabata fi sunna kalam ba'd al-jamadat. Bal. On a des exemples, même pas Yom al-Qiyamah, des exemples fi dunya anna ba'd al-jamadat. Al-jamadat, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Mathalam, un caillou. Kama hassal fi zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala alayhi sallatu wa sallam, kama fi hadith Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu fi sahih muslim, qala alayhi sallatu wa sallam, inni la a'rifu hajran. Je connais une pierre. Hajar, un caillou, une pierre. Bi Mecca, كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit je connais une pierre qui me passait le salam quand j'étais à Mecca avant que il reçoive la révélation عليه الصلاة والسلام. Et ça c'est un signe معجزة أنه سأليتخ النبي. Il passait devant une pierre et cette pierre elle lui passait le salam. Est-ce que cette pierre elle avait une bouche, elle avait des dents, elle avait des lèvres, elle avait حلق, une gorge de l'akhiré? Rien de tout cela. Qui sait من أنطق هذا الحجر؟ C'est Allah سبحانه وتعالى. هذا سنمونتخ أن ce كلام il est باطل, il est fondé sur le قياس et sur سوء الظن الجهل. وإلا فنحن في هذا الباب on dit سمعنا وأطعنا. Allah يتكلم يتكلم. Est-ce que موسى il a entendu كلام الله؟ نعم. Et ولله الحمد celui qui est على هذه العقيدة il est على عقيدة أهل السنة. On finit لأن ذهب الوقت. Après tout cela, hey, on a détaillé khassatan leur égarement fi bab as-sifat. Et كذلك استفدنا انهم سد الزغار الاشاعره في باب الايمان وفي باب القدر حتى في باب التوحيد انهم يفسرون توحيد الالوهيه يفسرون الشهاده بتوحيد الربوبيه على طريقه المتكلمين حتى في هذا الباب سسون ايغاري عيادا بالله. فلهذا تتخوف أنهم يزون غولاسيون avec الصوفية تتخوف لا يمكنون الشرك dans beaucoup d'endroits. لماذا؟ لأن عندهم celui qui reconnaît بقلبه, celui qui prononce شهادة et qui tant qu'il pense que c'est Allah qui a tout créé l'آخر فعندهم هذا c'est ça معنى التوحيد حتى في هذا الباب. فإس كأبخي tout cela on peut dire أن الأشاعرة ils font partie de أهل السنة. قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله من أئمة السنة من المتقدمين les anciens في الرد على من أنكر الصوت والحرف il a écrit une رسالة أي ceux qui ont rejeté الصوت والحرف أي الأشاعرة ceux qui disent que Allah يتكلم كلام نفسي أي sa parole c'est pas une parole avec son et lettre là c'est نفسي عيادا بالله. قال رحمه الله ثم بلي أهل السنة أي بتلي أي أهل السنة ils ont été éprouvés بعد هؤلاء أي المعتزلة بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم. الإمام السجزي رحمه الله démontre أن après المعتزلة une secte est apparue أي الأشاعرة الكلابية et ils prétendent أنهم c'est eux أهل السنة إلى يومنا هذا. فإياك والحذر que ça soit sur internet, que ça soit quand tu achètes un livre, que ça soit quand tu parles avec Wahid, ça ne suffit pas. Il est min ahl sunnah, il ne suit pas les fondements de ahl sunnah. Amma il est min ahl sunnah, et c'est un mourdu fil iman, et c'est un djabri fil qadr, يفسر توحيد الألوهية بالربوبية فهذا هذا من أين له أنه إذا من أهل السنة Et tu trouveras que هؤلاء c'est من أشد الناس عداوة font partie de, du groupe qui combattent le plus أهل الحق enfin, on fait attention à هذا on fait attention à c'est pas tous ceux qui se disent أنهم ils sont من أهل السنة أنهم tu comprends أهل السنة أنت على المفهوم الصحيح أنهم ils suivent السلف et tu prends tout de lui là tu fais attention خاصة à notre époque Et reconnaître un Ash'ari, c'est très simple. قال وهم et il les a cités Abu Muhammad ibn Kullab ou Abu al-Abbas al-Qalanisi ou Abu al-Hassan al-Ash'ari. Amma taqaddam ma'ana anna Abu al-Hassan al-Ash'ari fataba taba à la fin de sa vie, même s'il restait certaines choses. Lakin les suiveurs, na'am, les suiveurs, ils sont ala hada. قال فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. Ça c'est un tambih, un deuxième مفيد طيب. أن لا تغتر أن سي واحد يرد على أهل البدع مثلا يرد على الخوارج أو على المعتزلة أو على الجهمية لفخصهم على حق لا لأن هناك حرب كبيرة بين الأشعرة والمعتزلة ردود إلى آخره ça veut pas dire que الأشعرة sont على حق لماذا لأنهم ils ont réfuté المعتزلة لا لا ils ont réfuté المعتزلة en se basant sur le batil et malgré qu'ils ont réfuté المعتزلة كما قال الإمام أبو نصر رحمه الله قال وردودهم على أهل الأثر أكثر ويردون على أهل الأثر أكثر ils ont répondu à المعتزلة et à الجهمية لكن ils ont répondu وطعنوا في أئمة السنة que ce soit شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره أكثر فعلى كل حال c'est des منحرفون ضلال وقال الشيخ محمد أمان الجامي on cite une parole d'un savant contemporain Cheikh Mohamed Aman rahmatullah alayhi fi sharh al-wasitiyya قال من هنا تعلمون ان الاشاعره ليسوا من اهل السنه والجماعه في هذه في هذا الموقف وفي غيره من المواقف الكثيره بقي مساله si on a compris انهم ils sont pas من اهل السنه فبقي ان بعض الائمه كالامام النووي والامام ابن حجر العسقلاني وكذلك الإمام البيهقي والإمام الشوكاني بعض الأئمة أنهم أولوا الصفات على طريقة الأشاعرة فإسك سدي منحرفون مبتدعة قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المنتقى من الفتاوى من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات لا يحكم عليه بأنه مبتدع هذا أولا et هنا c'est très très important لأن on vit à une époque أن فرقة من الفرق يطعنون في الإمام النووي والإمام ابن حجر هم الحدادية الضلال الغلاء ils exagèrent وعندهم celui qui fait une bid'a مثلا يؤول الصفات أو autre même si c'est un imam فعندهم c'est un منحرف عندهم il faut plus lire ses livres حتى أفتى بعضهم عيادا بالله أنه il faut brûler فتح الباري il faut brûler شرح مسلم de l'imam النووي لماذا لأنهم c'est des أشاعرة c'est des ضلال نعوذ بالله مجتهدون هؤلاء أئمة خدموا الإسلام الحافظ ابن حجر il a fait un travail personne après lui l'a fait في علم الرجال والحديث عليه رحمة الله et ça c'est من فضل الله عليه Il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est trompé. في فتح الباري أحيانا يؤول الصفات على طريقة الأشعرة. لكن ça ne veut pas dire que c'est un أشعري, un منحرف, un ضال. اجتهاد. L'époque où il vivait, cette fitna était énorme. Et il a pensé que c'était le حق. Et il était مشغول بعلم الحديث وعلم الرجال وبالتأليف. Et لعله il n'a pas eu le temps de دقق المسألة. Et il a pris leur قول. On rejette son قول. على كل حال الخطأ on ne l'accepte pas. لكن c'est un imam من أئمة السنة. كم يستفيد منه العلماء وطلبة العلم إلى يومنا هذا وهكذا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم فيؤول صفة الرحمة صفة اليدين يؤول على طريقة القوم لكن c'est un imam la preuve c'est que هؤلاء ils suivent pas l'ash'ira dans tout en tant que madhab ils ont jamais dit qu'ils suivaient هذا المذهب c'est pour ça que tu trouves الحافظ يخالفهم في مسائل كثيرة والإمام النووي كذلك لكن أخطأوا خاصة n'oubliez pas هذا أن هؤلاء ils sont morts on ne peut pas les conseiller les ulama ils ne peuvent pas les conseiller ils sont morts ils sont comptés comme mujtahidoun et à la kulli hal, l'erreur, on la rejette, on n'accepte pas. Et l'ulama, walillahi alhamd, bayinu hadha, l'imam Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah, il a alliq ala Fath al-Bari et il a démontré les erreurs de l'hafid fi as-siyat, walillahi alhamd. Wa hakadha l'ulama alliqu ala akhta l'imam al-Nawawi, que ce soit fi Sharh Muslim ou fi l'Majmou' ou autre. وهكذا الإمام الشوكاني لا تزير في هذا العلماء ينبهون إسرائيل أئمة ستنبه لتخت خزان بورتون قال ولكن يقال هذا الذي حصل منهم خطأ ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. C'est deux grands imams de notre dîn de l'islam. Enfin, on les respecte, al-ulama, ils profitent de leur ulum et leur erreur, walillahi alhamd, les ulama, ils ont mis en garde, ils ont montré, fanahnu, on rejette l'erreur à la kulli hal et on les respecte. Wa hadha qawl kathir min ahli al-ilm, qawl Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi, Cheikh Ibn Uthaymeen, wa kathir min ahli al-ilm, ils ont détaillé, kama qal Cheikh Al-Fawzan. Fal hadhar min al-ghulu, al-ghulu c'est pas tayyib. غلو الحدادية سيبا طيب عيادا بالله سيدلك عما واضح أنهم حتى هؤلاء الأئمة ما سلموا من شر هؤلاء. الطعن في الإمام الشوكاني, في الإمام الذهبي, في الإمام البيهقي, في الإمام الحجر, في الإمام النووي, كم من أئمة, في الإمام القرطبي يطعنون عيادا بالله, وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء كونس بالعلم كونت خل علم يزغي سو لا فالور دو هؤلاء الرجال. L'imam Shawkani, il a fait un travail énorme. Mais il a des erreurs. Il était dans un mujtama' de Rawafid, de Zaydiya, de Mu'tazila, et كذلك madhhab al-Ash'ari, et ta'athar bi ba'd al-umur. Et on rejette et on accepte, walillahi alhamd, al-haq. C'est a'immat al-sunna, la base, c'est qu'ils ont appelé al-sunna, contrairement à ahlul bid'a. Falihada, comparé à haoula al-a'imma, qu'al-hafid, النووي والحافظ ابن حجر avec سيد قطب المنحرف الظل, c'est من الظل. سيد قطب طعن في الأنبياء, طعن في بعض الرسل, قول الجهمية, قول معتزلة, قول الشاعرة, قول وحدة الوجود, كم من مصائب هي اللي compare avec هؤلاء الأئمة. ومن أين سيد قطب اللي تكوني بالعلم الشرعي, il a voulu faire الدعوة et à cause de son جهل إلى آخر il a tout mélangé, عيادا بالله, c'est devenu une فتنة. أما هؤلاء الأئمة, ils ont accepté leur travail, mais ils ne sont pas ma'soumoun. Et ça nous montre qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur, mais on n'exagère jamais. Tu as deux cas, s'il est mort, hadal insan qui était à la haq, il aime le haq, mais il s'est trompé dans certaines masaïd, farahimahullah, c'est notre frère, c'est un imam, s'il est vivant, yumsah ou yubayin lah, sans exagérer. Thumma, s'il ne revient pas, il s'entête, il a akhri, hadal, on revient à ahl al-ilm, et c'est autre chose. Amma mélanger comme ils font al-haddadi, ayyadan billah, fa hada la yajouz. Al-khatima, on cite la parole de al-Juwayni, rahimahullah, annahu il a regretté à la fin de sa vie. Qala ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam, falaw araftu anna al-kalam yablughu bi ila ma balagha bi ma ashtaghaltu bih. Al-Juwayni conseille ses suiveurs, lakin هؤلاء يبخن با مثل هذا الكلام, يبخن كل هوا عيدا بالله. Il les a conseillé أنهم تركوا الكلام, علم الكلام, أي toutes ces أقيسة باطلة إلى آخر, revenez au Coran et à la Sunna. Il a regretté, بل قال dans un autre مرجع, وقال عند موته لقد خطوا البحر الخضم. نعم لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. هؤلاء أذكياء, ils avaient une intelligence et une قدرة في العلم عجيبة. فهذا الجويني اللي rentré في علم الكلام حتى إلى أطى نيفو فيه, لكن قال ودخلت في الذي نهوني عنه, alors que on m'avait déconseillé, interdit de rentrer dans علم الكلام, la philosophie, إلى آخره. قال والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. Avant de mourir, قال هذا الكلام. وكثير من العلماء يرابط هذا. أي si Allah il me pardonne pas, قال فالويل لله. أي malheur à moi. قال وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. Thumma qala, avant de mourir, anana, je vais mourir à la aqidat ummi. Et pour démontrer, il reste à la aqidat al-awam. Sans rentrer, iyadan billah, la philosophie, la comparaison, sahih. Amil an, tu lui demandes, est-ce que le Coran c'est kalamullah? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, heureusement, c'est kalamullah. Et si tu dis, c'est pas kalamullah, rubbama, il te fait sortir de l'islam. Ami min al-awam. Et si tu lui cites kalam nafsi la akhiri, il va rien comprendre, il va avoir des doutes. Falihad al-Juwayni, il a compris, aqidat al-salaf, c'est très simple. On accepte les noms, on accepte les attributs et on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on espère le jannah. Amma tout ce kalam, toute cette vie, iyadan billah, vayyouha, et à la fin, on dhuru, mada qal. Tamanna an yamut ala aqidat ajaiz Naysabur. Naysabur, c'est un endroit en Perse. Et il a espéré mourir à la aqidat ajaiz Naysabur. Et les vieilles femmes qui vivent à Naysabur. Ni ilm, ni hifd, ou la shay. Des amiettes muslimates qui sont alhamdulillah ala al-fitra. Il a espéré mourir ala hada. Ça nous montre an hada al-madhab, il est fondé sur ilm al-kalam, il est fondé sur al-hawa, sur al-jahl. Fal-hadar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa salama min al-inhiraf. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen.